Industry Ready Production. PSBeats.com. Make your purchase now. Rime multisyllabique, j'élimine toute thérapie. Elle est pas terrible ta zik. Je crois toujours en ma théorie basique. Ils font pas du rap mais de l'imitation, vas-y. Michael Gregorio n'a qu'à bien se tenir. À la base je veux dire que tu n'as pas le mérite. Le vécu que tu parles n'existe pas dans ta vie. Il y a les images et les images, être ou paraître. Les visages et les visages, les tissages et les frisages. Les clichés et les chichas, vos cinémas, les cinéma, vos idées assimilent, les idées de vos amis, ouais. Décider de céder à céder à sans être de preuves. Pour pouvoir passer pour un mec de valeur. Dealer, dealer, dealer, c'est le côté des double R qui pleure. Tu ne me connais pas en vrai, alors dis-toi seulement qu'à partir de ce moment, personne ne peut remettre en cause ton cœur. Et tu pourras dire à ta putain de maman que ce n'est pas le moment de faire toutes ces crises de pleurs. J'ai pété un cap et le fil de ma vie. Mes problèmes s'entassent et s'entassent en bédo. Comment me viderais-je l'esprit? C'est des cupés à vie. Je suis un solitaire, solitaire, solitaire, solitaire, solitaire, solitaire, solitaire, solitaire, solitaire, solitaire, solitaire. J'ai du pain sur la planche, viens me saouler, t'auras le pain dans ta tronche. Non mais sérieux, si t'as faim, tu te la manges. Tu finis à terre avec du vin trop étrange. Non mais rien que dérange mon travail du dimanche. Et tu finiras aux anges, finiras aux anges. Qui a volé l'orange? Mais qui a volé ton rang? Quand je prends le mic, je mets des barres profondes. A tous ces rappeurs, venez pas me confondre. Depuis tout petit, je fais du rap et qu'au fond. Je ne suis qu'un petit, mais je ne suis pas dans le fond. Maria, la musique est un épitalame. Je rappais déjà 12 ans, donc depuis ta mal. Et si t'es pas content, vas-y, sonne l'alarme. Et je sors un freestyle qui te rendra ton âme. Côté double R qui parle. Stop, est-ce que je les mets d'accord tous ensemble? Entre ceux qui disent et ceux qu'ils font, y'a une grosse différence. Grosse différence. Grosse différence. T'étonnes pas si j'en quitte la France. Je suis un solitaire, solitaire, solitaire, un solitaire, solitaire, solitaire, solitaire, un solitaire, solitaire, solitaire, solitaire, un solitaire, solitaire, solitaire. Elle est pas entre des filles, elle est déterre. Elle est pas entre des filles, elle est déterre. Elle est pas entre des filles, elle est déterre. Elle est pas entre des filles, elle est déterre. Elle est pas entre des filles, elle est déterre. Elle est pas entre des filles, elle est déterre. Elle est pas entre des filles, elle est déterre. Elle est pas entre des filles, elle est déterre. J'suis casé dès le départ parmi ces cons qui rappent sans rien dire. Comme quoi je suis un blanc qui veut briller par la lumière du martyr. Comme quoi je dois partir, les regarde-toi dans la glace me lasse. J'arrête de réfléchir si mon miroir me remplace. Côté double R qui place quelques punchlines dans ta face. J'suis pas une personnalité mais une personne qualité. Dans le tournoi de la vie je suis une personne qualifiée. Hey, y'a les meilleurs. Hey, y'a les pires. J'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur. J'attendrai de te laisser le dire. PSBeats.com. Make your billboard hit now. C'est les QP, bande d'enfoirés.